un peu. Vous vous échauffez trop et vous pourriez gagner la pure régie. Mais qui m'amène cet impertinent? Je dis que vous teniez et que vous caressiez point nos accordés. Oh, que le bruit! Jean Liguet, c'est pas ainsi qu'il faut pousser les gens. Laisse-le faire aussi, Pierrot. Comment je le fais? Je ne veux pas, moi. Testiguez parce que vous êtes monsieur, vous viendriez caresser nos femmes à notre barbe. Allez-vous en avant caresser les vôtres. Jean Liguet, ne frappez pas. Morguez, ventreguez, bassonguez. Morguez! Ça n'est pas bien de battre les gens. Mais c'est pas là la récompense de vous avoir sauvé d'être noyé. Pierrot, ne te fâche point. Je me fâchais, moi. Et t'es une vilaine, toi, dont tu réponds de cajole. Mais Pierrot, ça n'est pas ce que tu penses. Monsieur veut m'épouser. Il te doit pas te foutre en colère. Comment? Jarny, tu m'es promise. Oh, mais ça ne fait rien, Pierrot. Si tu m'aimes, tu dois être bien aise que je devienne madame. Jarny, non. J'aimerais mieux te voir crever que de te voir à un autre. Va, va, Pierrot, ne te mets pas en peine. Si je suis madame, je te ferai gagner quelque chose et tu apporteras du beurre et du fromage chez nous. Qu'est-ce que je n'apporterai jamais, même quand tu m'en payerais deux fois autant. Est-ce donc ainsi que t'écoutes ce qu'il dit? Morgue, si j'avais su ça tantôt, je me serais bien gardé de le tirer d'un guillot. Et ce guillot aurait vaillé sur la tête un bon coup d'avion. Mais qu'est-ce que vous dites? Pour que je ne crains personne. Voyons cela. Nous en avons vu bien d'autres. Attendez-moi un peu. Je me moque de tout. Ouais. Hé, hey, monsieur. Laissez là ce pauvre misérable. C'est confiance de le battre. Écoute, mon pauvre garçon, retire-toi et ne lui dis rien. J'en veux lui dire, moi. Ah, je vous en prendrai. Ah! Empêche-toi du maraud. Tu vas la payer de ta charité. Jarny, je m'en vais dire à sa tante. Tout se ménage ici. Et je ne donnerai pas mon bonheur contre toutes les choses du monde que le plaisir quand vous serez ma femme.